这种吧。 C'est des beaux, le capot, les des femmes. Femme en couple, femme mariée, femme en tout genre. Elle m'a dit, monte-moi ta troisième jambe. Elle m'a dit, monte-moi comme t'es méchant. Wow. Wow, wow, wow. Tout côté nous passer, c'est voler, femme amour. Tout côté nous passer, c'est voler, femme amour. T'allais nous capot, faut pas oublier. Wow, wow, wow. Nous vivons pêche, nous vivons folie. Wow. Vous c'est des belles garçons qu'on joue, nous fait voler pas mal. Vous c'est des belles garçons qu'on joue, nous fait voler pas mal. Ibizé un mari, mais ça n'est bon vice. Moi même pas ni danser, râler tout sa pine. Il dit moi je crois pas que ça va aller dans ma gorge. Avec chérie, troisième jambe là qui barre en deuxième gorge. Elle m'a dit c'est la première fois qu'on me voit. Wow, wow. Fait quand d'œuf qu'a volé pas mal. Vous c'est wow, wow, wow. Dizzy go qu'a volé pas mal. Vous c'est wow, wow, wow. T'es ma X, moi dis moi c'est One, two, one.